On va parler de football canadien. C'est le repêchage de la Ligue nationale de football. Et enfin, l'année passée, on était tous contents parce que Shane Gauthier avait été repêché. Mais cette année, on risque d'avoir un deuxième joueur repêché de Don Boomsisney. C'est Alexandre Gagnon. Et on lui parle. Salut, Alexandre. Alexandre, on est à quelques jours ou quelques heures du repêchage. Comment tu te sens, là? Est-ce qu'il y a des frénésies, il y a des papillons qui arrivent? Que je fais beaucoup de sacrifices pour atteindre cet objectif-là. Fait que j'ai hâte de voir si une équipe va prendre une chance et va me choisir. OK. Qu'est-ce qu'on t'a. Est-ce que la dernière fois je t'ai parlé, c'était après les combines. Tu disais que tu n'avais pas été sélectionné pour les tests d'habileté finaux. Par contre, tu dis qu'il y avait plusieurs équipes qui t'ont parlé. Est-ce que depuis ce temps-là, tu as parlé à d'autres formations encore? Oui, j'ai eu deux entraînements privés avec deux clubs de l'Est. OK. J'ai eu aussi une interview avec une autre équipe. OK. Donc, je sais qu'il y a de l'intérêt. OK. Qu'est-ce qu'on t'a dit après? Est-ce que selon toi, c'était positif ces entraînements privés-là? Oui, en fait, c'était tous les deux à la position de tight end. OK. Les équipes, en fait, me voient plus comme un joueur offensif que comme un joueur défensif. OK. Donc, les équipes voulaient savoir si j'étais capable d'attraper un ballon, de couvrir des tracés, puis de bloquer des joueurs de ligne défensive. Puis ça a bien été, ces exercices-là, ça a bien été? Oui, dans l'ensemble, oui. C'est sûr que ça faisait longtemps. J'avais déjà joué à cette position-là. Au début de mon cégep, puis un peu au secondaire aussi. Donc, c'était loin derrière moi, mais c'est des habiletés que je suis capable de faire. OK. Puis, définitivement, que ma vitesse puis mes qualités athlétiques me permettent de jouer à cette position-là aussi, ce qui est rare pour un joueur de ligne défensive. Donc, ma polyvalence peut jouer à ma faveur. OK. Quelles sont ces équipes? C'est-tu les Alouettes? J'ai pas le droit d'en parler. OK. Les équipes veulent qu'on garde ça secret. Donc, ouais, j'imagine qu'ils veulent, parce que pour garder ça vraiment secret, pour que tu ailles vraiment les. Comment dirais-je? Pour pas divulguer les plans, c'est ça? Non, c'est ça. Les équipes ont leur secret, les choix qu'ils veulent faire. Donc, ils veulent pas que les autres équipes. Voit le carte cachée. OK. Alexandre, si t'es pas repêché, il arrive quoi? Parce que quelqu'un, un expert de la NFL vient de me dire, un expert des Canadiennes et de la NFL vient de me dire, je pense pas qu'Alexandre soit repêché, par contre, il va signer comme joueur autonome avec une autre équipe. Si jamais t'es pas repêché, mais qu'une équipe t'assume une offre, est-ce que t'es vraiment intéressé ou pour toi, on passe à d'autres choses? Parce que toi, t'y tiens pas vraiment, pas plus qu'il faut une carrière de la SCF, là. Écoute, c'est sûr que s'il y a des offres, je vais les prendre. Mais pour l'instant, c'est le repêchage. Si je suis pas pris, je vais me concentrer sur ma dernière saison ici à l'Université de Sherbrooke. OK. Puis les offres vont venir ensuite, puis à ce moment-là, je regarderai ça. Okay. Donc, vraiment au jour le jour. OK. Là, il se passe quoi? Est-ce que Shane, l'année passée, avait venu organiser une soirée à Don Boomsisney pour suivre le repêchage et inviter toute la parenté? Toi, comment tu vas vivre ça, ce repêchage-là? Je vais faire ça chez ma blonde, avec ma famille, mes amis proches, puis, okay. Des joueurs de mon équipe ici. Là, on va passer une petite soirée ensemble. Puis, OK. Ça va être... bien tranquille. OK. Donc, ça va être bien, bien tranquille. Ben, Alexandre, on va te suivre de très, très près. C'est un événement quand même très, très intéressant pour nous aussi. Puis, quoi qu'il arrive, je voudrais te parler lundi. Parfait. Alexandre Gagnon de Don Boomsisney qui risque d'être repêché par une équipe de la Ligue canadienne de football.